nasalela mayina kubuya kubumanzui omukulu yakwazwa kukusalizanga nanye naye nzuba nyonso nasalagiza lagina ngo peru perdu L'arrête la perle et garde Sogaïa DDP. Christophe Muzungu. Souci la grippe, on s'est battu dans la zuinkoubaïe. Baba Tolina, son te battu dans la comimi, quoi pas. C'est un bon samaritain qui a quoi intervenir. Eric ici Bazeka Papisha Kokash Mani. Les locaux m'ont bien aimé, le sabot sanique et moto infecte Kinder. Des parmaillés comme y'ont téléchargé, son cas y'a la vie n'en aille. Connexion y'a souci, son manque, si y'a qu'un coup à niveau et comment. Y'a avant et comment, à 100% loué. Si y'a dans sa langue à bouillé, pourquoi dans sa langue à bouillé. Ata kuto misasi, son qui va bêtir moto et kenda kete ki inako. Mais y'a ou kena y'a ou bimba. Thank you. L'amour n'en a vraiment rien. Mais pour moi, à tout va dire, maman.